Chapitre 26e. Deux années s'écoulèrent sans apporter de changement bien sensible dans l'intérieur de Dournov, puis une fille l'eut naquit. L'année suivante, Madame Merov gagna une pleurésie en chaperonnant Marianne à un bal costumé où Dournov n'avait pas voulu la laisser aller seule, et la bonne créature mourut après quelques jours de souffrance pendant lesquels elle ne cessa de répéter à son gendre « Soyez bon pour Marianne ». Dournov lui promit solennellement d'être bon pour Marianne et tint sa promesse de son mieux. Il avait pris l'habitude de laisser vivre à ses côtés ce joli petit être gracieux et insignifiant. Elle remplissait la maison de chiffons, de rires, de musique, de danse, de chansons d'opérette et de gens nuls et frivoles comme elle-même. Il la laissait faire. À quoi bon la contrarier? Il détestait les scènes et craignait, plus encore que tout ce remue-ménage, les bouderies et les larmes de Marianne, contre lesquelles il se sentait sans force. Comment parler raison, en effet, à cet enfant qui déclarait que la raison l'assommait? Comment faire de la morale à cette femme qui ne connaissait d'autre morale que celle de son bon plaisir? Avec cela, Marianne n'était pas méchante. Elle donnait volontiers sa bourse, ses bonnes paroles et même les larmes compatissantes de ses beaux yeux fleur de lin. Mais aussitôt que l'objet de sa compassion échappait à ses regards, il était banni de sa pensée et remplacé par des idées plus riantes. Le deuil de Marianne amena forcément un peu plus de sérieux dans la maison. Elle se priva de bals et de théâtre pendant 8 grands mois. Mais la pauvre Madame Merov étant morte en plein carnaval, la saison d'hiver reprit dans toute sa splendeur avant que le deuil d'un an fût terminé. Marianne avait aux Italiens une loge à l'année. Elle retourna au théâtre en robe de soie noire. Puis les violettes de Parme apparurent dans ses beaux cheveux blonds. À Noël, sous prétexte qu'en l'honneur de ses réjouissances chrétiennes, tout deuil était suspendu, elle arbora le blanc et le gris perle qu'elle ne quitta plus. Cependant, les jours gras se trouvaient cette année-là plus tard que l'année précédente, de sorte que le deuil de Madame Dournov était terminé avant l'expiration des fêtes de cette époque brillante. Un grand bal à l'ambassade d'Autriche devait réunir, le dernier samedi du carnaval, tout ce qui était bien noté à Pétersbourg. M. et Mme Dournov reçurent une invitation que le président mit sur un coin de son bureau sans plus s'en préoccuper. « Tu ne sais pas, mon ami, » dit un matin Marianne en déjeunant, « je trouve bien extraordinaire que nous n'ayons pas été invités au bal de l'ambassade. »« Nous sommes invités, » répondit Dournov en découpant tranquillement sa côtelette. « Invités ?» s'écria Marianne en frappant ses deux mains d'enfant l'une contre l'autre. « Et tu n'en as rien dit ?»« Je ne supposais pas que cela pût t'intéresser. »« Comment ? Et ma robe ?» Ne faut-il pas le temps de la commander? Tu n'as pas l'intention d'y aller, je suppose, dit Dournov en interrompant son repas. Mais si fait, j'en ai l'intention. Voilà un an que je suis privé de tous les plaisirs. Un regard de Dournov lui fait laisser sa phrase à moitié faite. J'ai été cruellement éprouvée, reprit-elle, pour qu'un peu de distraction me soit accordée sans lésiner. Nous irons, n'est-ce pas, mon cher petit mari? Vous irez si vous le voulez, répliqua le président. Pour ma part, je n'irai pas. « Mais mon père y va !» s'écria Marianne, prête à fondre en larmes. « Votre père y va comme ministre de la justice et non comme veuve d'une année. D'ailleurs, allez-y avec votre père, je ne m'y oppose pas. »« Mais pourquoi ?» commençait Marianne. « Il me semble, » répliqua Dournov, « que ce n'est pas à moi de vous le dire. » Il se leva et quitta la salle à manger. Marianne, déjà consolée, s'en alla de son côté chez la couturière et se commanda une robe bleu pâle et qui, disait-elle, avait l'air d'être grise aux lumières. Dournov, s'il était de plus en plus contrarié des caprices mondains de sa femme, avait cessé d'en être affligé. Une sourde colère, toujours comprimée et endormie, mais jamais anéantie, se réveillait en lui à chacune de ses nouvelles boutades. Mais si son amour-propre d'époux était froissé, son cœur ne souffrait plus. Il avait une consolation que, hormis la niagna, personne ne lui connaissait. C'était l'heure du matin où Marianne dormait de son meilleur sommeil, entre 8 et 10 heures, que la niagna et bébé faisaient leur apparition dans le cabinet de Dournov. La grande pièce sombre avait cessé d'être triste. Dans le coin réservé à Marianne et qu'elle n'avait jamais occupé, une pile de joujoux, soigneusement recouverte d'un tapis de table pendant la journée, était renversée tous les matins. À son entrée, Serge, caché dans les rideaux, criait « Coucou !» Le père quittait alors son travail, quel qu'il fût, et venait s'asseoir sur le tapis en face de la niagna. C'est là, entre ces deux cœurs dévoués, que Serge avait appris à se tenir debout sur ses petits pieds rondelets, c'est là qu'il avait fait ses premiers pas, pour venir tomber en riant dans les bras étendus de leur père, dont le cœur palpitait de crainte et de joie. Nul ne savait combien de pensées muettes avaient été échangées entre Dournov et la vieille bonne, pendant que le cher petit apprenait à gazouiller sous leur direction. Nul non plus n'a jamais soupçonné la profondeur de l'émotion qui prit à la gorge le célèbre président Dournov, le jour où Serge, levant les yeux pour la première fois au-dessus du canapé, aperçut le portrait d'Antonine et le désigna de son petit doigt en disant « Maman !» Nul ne sut que Dournov enleva son fils dans ses bras et le tendit vers le portrait en lui disant de l'embrasser, pendant que la Niania, brusquement troublée dans son impassibilité spartiate, couvrait de son tablier son visage ridé où ruisselaient des larmes irrépressibles. Personne non plus n'a vu Dournov se pencher sur la servante et la baiser respectueusement sur son vieux front jaune, où il laissait aussi tomber une larme, tandis que Serge, étonné, les caressait tous les deux de ses menottes satinées afin de les consoler dans leur chagrin. « Ce n'est pas maman, » dit enfin Dournov, « c'est une tante que tu ne verras jamais. Pourquoi ?» dit bébé, « elle est au ciel. » Bébé n'avait qu'une bien vague notion du ciel. Cependant, depuis lors, la Niania lui fit ajouter à sa prière « Ma tante Antonine, qui est au ciel. » Elle ne craignait pas que Madame Dournov demandât jamais, ne promenait cette addition un peu liturgique. Jamais la mère n'assistait au coucher de l'enfant. À son lever, encore moins. La grande joie de Dournov était donc son petit Serge. Sa fille Sophie était trop jeune pour partager ses amusements. Il la voyait tous les jours, mais un enfant de quelques mois est peu intéressant auprès d'un garçon de 3 ans. C'était Serge qui résumait pour Dournov les joies paternelles, en attendant que sa joie fût doublée par l'apparition dans son cabinet d'une fillette sachant jaser et se tenir debout. Le mois de février était froid cette année-là. Les rhumes, grippes et bronchites couraient la ville avec les fièvres contagieuses. Mais Marianne semblait invulnérable. Elle passait ses journées à quitter la fleuriste pour la couturière pour le chaussurier, exactement comme si elle n'avait pas eu même un sac de toile à se mettre sur le dos en guise de vêtements. Les naufragés de 40 jours ne sont pas plus empressés à se procurer les vêtements que ne l'était Marianne à quitter son deuil. Le fameux jour du bal arriva. Depuis plus d'une semaine, Madame Dournov, après le service funéraire du Poudelan, avait habilement nuancé ses toilettes de manière à ne pas choquer trop soudainement les regards de son mari. C'était à vrai dire peine perdue, car il ne la regardait pas. Il trouvait que Serge avait un peu de fièvre le soir et le matin, et cette légère indisposition, lui paraissant le précurseur d'un trouble plus grave, il ne songeait plus à autre chose. Pendant que dans l'après-midi du jour indiqué, Marianne essayait devant sa glace les flots de soie bleue qui représentaient sa robe, Dournov entra dans la chambre des enfants. Sophie, assise sur un vaste tapis, jouait avec des poupées, mais Serge, une joue rouge et l'autre pâle, assis dans son petit fauteuil devant des images qu'il ne regardait pas, paraissait souffrant et endormi. La Niania s'approcha du père. « J'ai envoyé chercher le docteur, » dit-elle. « Le petit me paraît malade. » Dournov fit un signe de tête et enleva Serge dans ses bras. L'enfant ne fit aucune résistance et appuya sa tête brûlante sur l'épaule de son père. Celui-ci écouta la respiration pénible du petit malade et le garda ainsi jusqu'à l'arrivée du médecin qui ne tarda pas. « Ce sera une maladie de l'enfance, » déclara celui-ci. « Nous saurons ce que c'est demain. » Peut-être cette nuit. Il recommanda de tenir l'enfant bien chaud et promit de revenir le soir même. Vers 10 heures avant de partir pour le bal, Marianne entra dans la nurserie pour voir son fils. La vaste pièce blanche et claire était assombrie par d'épais rideaux tirés devant les portes et les fenêtres. La lampe brûlait dans un coin devant les images, et une autre veilleuse sur une table, près du petit lit de Serge, était protégée par un écran de porcelaine blanche. L'entrée de Madame Dournov dans cette chambre recueillie fit lever la tête à la Niania, qui, à moitié assoupie sur une chaise, veillait l'enfant malade. Le froufrou de la soie sur le parquet, le miroitement de l'étoffe cassée en 1000 plis, l'éclat des diamants que Marianne portait à sa tête, à son cou, à ses bras, tout cela était si peu d'accord avec la respiration de plus en plus embarrassée du pauvre petit garçon que la vieille femme ne put réprimer un mouvement de surprise indignée. « Va-t-il mieux ?» demanda Marianne à voix basse en se penchant sur le berceau. « Non, madame, non, il ne va pas mieux, » répondit la Niania d'une voix brève. Marianne émue posa la main sur le front brûlant de son fils, qui s'agita et ouvrit les yeux. Il la regarda un instant sans la reconnaître, puis il détourna la tête et chercha le sommeil. Il ne connaissait pas cette dame-là. Jamais il n'avait vu sa mère en toilette de bal. Marianne retira sa main. Son gras était devenu aussi brûlant que le pauvre petit front endolori. Elle l'appuya sur le marbre de la table pour retrouver la fraîcheur. « Comme il a chaud, » dit-elle. « Le docteur est-il venu ?»« Non, » répondit la Niania. La jeune femme regarda autour d'elle. Un bon instinct la poussait à se rendre utile, à faire quelque chose pour son enfant malade, mais elle ignorait tout de la maternité. « Qu'est-ce que je pourrais faire pour lui ? » demanda-t-elle, avec une sorte d'inquiétude nerveuse d'être à pleine mission pour laquelle elle ne se sentait pas préparée. « Rien, rien du tout, madame, » répondit la vieille bonne. « Nous nous arrangeons très bien tout seuls. » Marianne se sentit offensée de cette réponse, bien que rien n'y fût destiné à la blesser. Avec un mouvement plein de hauteur, elle se dirigea vers le lit de sa fille. Sa jupe longue et lourde traînait sur le parquet. Le bruit fit ouvrir les yeux à Serge. Une tour rauque le secoua violemment. Il s'agita, se débattit, étendit désespérément les bras. La Niania le saisit, lui mit la tête sur son épaule, le calma, et le remit au lit au bout d'un moment. Marianne regardait cette scène, et quelque chose de douloureux la mordait cruellement au cœur. C'est vers elle que Serge aurait dû tendre les bras. Mais elle n'allait pas s'imaginer d'être jalouse d'une bonne. Secouant cette pensée bizarre, elle écarta les rideaux du berceau de Sophie. Le berceau était vide. « Où est ma fille ? » demanda-t-elle d'un ton d'humeur. Toutes ces impressions nouvelles et désagréables lui faisaient monter à la tête une sorte de colère. Monsieur a ordonné de la transporter dans une autre pièce, afin que si le petit a une maladie contagieuse, sa sœur soit préservée. Marianne baissa la tête, mais non pour cacher son humiliation. Elle se recueillit pour savourer sa colère. « Comment ? On se permettait de tels changements dans son intérieur sans la consulter, sans même lui en donner avis. Dournoff n'aurait-il pas dû la prévenir ? » Elle se souvint que deux fois, depuis la chute du jour, il était entré dans sa chambre. Mais alors elle n'était pas seule. La couturière, la modiste ou le coiffeur s'étaient toujours trouvés là pour empêcher un entretien sérieux. Pendant le dîner, ils avaient eu des hôtes. Quand le mari eut-il pu causer confidentiellement avec sa femme ? Marianne se redressa. « Quelle fantaisie » dit-elle d'un ton sec. « Sophie va s'enrhumer dans une pièce d'une autre température que celle-ci, à laquelle on ne l'a pas accoutumée. Allez chercher la nourrice et la petite fille, amenez-les ici. » La Niania resta immobile. « Eh bien ?» fit Marianne d'une voix plus brève encore. La vieille femme ne fit pas mine de bouger. « Eh bien ?» répéta Madame Dournoff en frappant du pied. « Monsieur ne l'a pas ordonné, » répondit la Niania sans lever les yeux. Marianne arracha ses gants et les jeta à terre avec un geste de fureur. « Je ne suis donc plus maîtresse chez moi » dit-elle. « Toi, misérable servante, tu oses me tenir tête ?»« Je ne vous tiens pas tête, madame, » répondit froidement la Niania. « J'obéis aux ordres de mon maître. » La porte s'ouvrit doucement et Dournoff entra. « Qu'y a-t-il » dit-il en voyant les traits bouleversés de Marianne et les lèvres rigidement serrées de la vieille servante. « Cette femme refuse de m'obéir. » dit avec effort Madame Dournoff, à travers ses dents serrées par la rage. « Qu'ordonnez-vous donc ?» demanda son mari, plus ému qu'il ne voulait le paraître. Depuis longtemps, un conflit entre ces deux femmes lui paraissait inévitable. Ce qui était surprenant, c'est qu'il n'eût pas encore eu lieu. Il attendit la réponse avec anxiété. « Madame veut faire revenir Sophie dans cette chambre. Pourquoi » « Pourquoi ? » demanda le père en s'adressant à Marianne. « Parce qu'il ne me plaît pas qu'on donne ici des ordres sans ma participation, parce que je ne veux pas être traitée en étrangère chez moi, parce que je veux être consultée sur tout ce qui se passe ici. » Dournoff regarda sa femme avec plus de pitié que de colère. « Vous alliez au bal ?» lui dit-il sans lui répondre. Marianne le regarda surprise. « Vous alliez au bal ? » répéta-t-il. « Votre père vous attend en bas, dans sa voiture. Nous parlerons de ceci plus tard. » Marianne fit un pas et resta indécise. Un moment, sa conscience faillit l'emporter. Elle eut envie de dire « Je reste », mais un regard jeté sur sa toilette la fit changer d'avis. Cependant, son mari avait l'air si sérieux qu'elle eut peur. De quoi ? Elle l'ignorait elle-même. Un mélange singulier de crainte, de colère, d'entêtement et de vanité mondaine agitait son âme frivole. Elle était mécontente de tout et surtout d'elle-même. « Bonsoir. » dit-elle en passant entre le lit de Serge et son mari. « Bonsoir, » répondit celui-ci d'un ton attristé. comme elle écartait les rideaux pour sortir, une toux effrayante, rauque, gutturale, comme l'appel de quelqu'un qui étouffe, l'arrêta sur le seuil. Serge se débattait dans une nouvelle crise. Elle tourna la tête sur son épaule pour regarder dans la chambre. Le père et la Niania, à eux deux, essayaient de calmer l'enfant et de lui faire prendre une potion. Marianne sentit qu'on n'avait pas besoin d'elle auprès de ce berceau, et elle sortit. Comme sa voiture quittait le perron, elle en croisa une autre. C'était le docteur qui venait faire la visite promise.